Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Mais avant de discuter d'or en trau, à courir en pèse fondi. Mais avant de discuter d'or en trau, à courir en pèse fondi. Prenez. Timère. Timère. Donnez-moi les lunettes. Ready un lunedou. Ready un lunedou. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Lac or grain war o golo lizer. Lac or grain war o golo lizer. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Change-tu or veren en timer or gijul. Change-tu or veren en timer or gijul.